ça, c'était pas nous. Et voilà, c'est déjà flou. T'en fais pas, c'est rien du tout. C'est déjà loin derrière nous. Oublie ça. Et voilà, t'en fais pas. Derrière une cage, j'oublierai.